بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معنا اليوم أيها الإخوة الحديث الواحد والثلاثون بعد المئة aujourd'hui le hadith numéro 131 l'auteur qui nous dit رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أسكنتهم خشية الله من غير صمم أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بأعمالهم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون رواه أبو نعيم. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah selon Ibn Abbas radiallahu anhuma qui a dit à des personnes qui il les a entendues débattre dans la religion, donc des personnes qui débattaient sur un sujet religieux, Ibn Abbas radiallahu anhuma qui leur a dit: ne savez-vous pas que Allah a des serviteurs dont la crainte d'Allah les a fait se taire sans sourdité ni le fait d'être aveugle? La crainte d'Allah les a fait se taire sans sourdité, sans qu'ils soient sourds ni aveugles. Certes, ce sont les ulama. Et donc Ibn Abbas ici, il blâme ces personnes qui débattent dans la religion. Il leur montre les savants, ils ne débattent pas comme ça. La crainte d'Allah les a fait se taire, les a empêchés de rentrer dans le débat. Certes, ce sont les ulémas, les savants, les éloquents, ceux qui touchent les gens, ceux qui sont nobles, les ulémas, les savants, ceux qui connaissent les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs, ainsi que les châtiments qu'il a accordés à ses créatures. Sauf que ceux-là, lorsqu'ils se rappellent de la grandeur d'Allah, alors ils perdent une partie de leur raison, et leur cœur se fende, et leur langue s'estompe, ils ne peuvent plus parler, tellement donc la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala les a stoppés, les a bloqués, et à partir du moment, et cela jusqu'à ce qu'ils, donc, qu'ils aillent mieux, qu'ils donc, se relèvent petit à petit de ce choc qu'ils ont eu. Alors, à ce moment-là, ils accourent dans l'accomplissement des actes de piété, des actes qui vont les purifier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils se jugent parmi les personnes qui sont négligents, parmi les personnes qui ont des manquements. Et certes, ces gens-là, les savants, ils sont soigneux et forts, donc c'est-à-dire soigneux, ils prennent leur temps, ils ne se précipitent pas. Mais malgré cela, ils sont forts. Et avec les égarés, les déviants, ils agissent certes avec piété. Et ils se désavouent de cela. Innahum la yastakfiruna lahul kathir. Certes, ils ne jugent pas lourd le fait d'accomplir beaucoup. Le fait d'agir et d'accomplir beaucoup, ils ne jugent pas cela lourd. Ce n'est pas difficile. Wala yardon alahu bil kalil. Et pour Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne sont pas satisfaits de faire peu. Ils ne sont pas satisfaits du fait de faire peu, et le fait de faire beaucoup pour eux, ce n'est pas lourd, ce n'est pas difficile. Et certes, ces savants-là, ils n'agissent pas avec manque de pudeur, ils n'agissent pas avec culot concernant Allah tabaraka wa ta'ala dans l'accomplissement de leurs actions. Où que tu les rencontres, tu les trouves intéressés, craintifs et donc ayant peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, rapporté par Abu Nu'aym. هذا الحديث أيها الإخوة في صفة العلماء. Ce hadith, il nous montre les caractéristiques des savants. On a vu dans les cours précédents l'importance d'étudier, l'importance de faire attention à son intention, l'importance de connaître les ulama. فهنا العالم أو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يذكر لنا صفات من صفات العلماء. Et donc ici l'auteur Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il nous cite certaines caractéristiques des ulema. Il y a dans la chaîne de transmission de ce athar, il y a certains donc, rapporteurs qui sont inconnus, et il y a d'autres chaînes de transmission, il y a plusieurs chaînes de transmission, et chaque chaîne a quelques problèmes. Et c'est là qu'on va tomber dans une divergence entre les ulema. Certains vont juger le hadith authentique en rassemblant les chaînes de transmission, et d'autres vont dire non. Ici, les chaînes de transmission ne se renforcent pas mutuellement parce qu'elles sont trop faibles entre elles. Et donc, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, lorsqu'il voit ces gens débattre, alors il les blâme. « Ama alimtum anna lillahi ibadan eskatethum khashyatullah » Ne savez-vous pas que Allah tabaraka wa ta'ala a des serviteurs dont la crainte d'Allah les a fait se taire? La crainte d'Allah fait que ces gens-là ne rentrent pas dans les débats. Ce n'est pas ceux qui les intéressent. Pourquoi ? Comme on a vu hier, lam yunzalil ilm min ajlil jidal. La science n'a pas été descendue pour les débats. Et certes, le fait qu'ils craignent Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'ils connaissent Allah, c'est cela qui les empêche de transgresser. إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Certes, parmi ses serviteurs, ce sont les ulama qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Al-khashya, le fait de craindre Allah avec science. Et donc, ils connaissent Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont donc le craindre et éviter de tomber dans tous ces actes blâmables. Certes, ce sont les savants, ceux qui sont donc éloquents, nobles. Ils ne vont pas donc s'abaisser à débattre avec les gens comme cela. Wa antum ta'lifun, on l'a déjà cité plusieurs fois, nous avons aussi dans la religion le débat qui est permis, même le débat qui est obligatoire. Et donc on fait la distinction entre le fait de débattre pour défendre la religion et le fait de débattre dans le faux, les polémiques, etc. Et donc, ces savants-là, هَؤُلَا لَا يَكْتَفُونَ بِعِلْمِهِمْ وَلَا يَكْتَفُونَ بِالْكَلَمْ بَلْ يَعْمَلُونَ كَذَلِكَ. Ces gens-là, ils ne se suffisent pas de leur science. Ils ne se suffisent pas non plus de parler, d'être éloquents. Mais ils vont aussi agir. Ils vont aussi beaucoup agir. Comme on le voit dans ce hadith. تَسَارَعُوا إِلَى الْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ تَسَارَعُوا إِلَى اللَّهِ بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ. Ils accourent vers Allah en accomplissant des bonnes œuvres, des œuvres qui vont les purifier. Et malgré cela, ils sont humbles. Ils sont humbles, ils ne vont pas être orgueilleux. يَعُدُّونَ أَنفُسَهُمْ مِنَ الْمُفَرِّطِينَ. Ils se voient donc parmi les négligents. Et c'est comme cela qu'on doit être. On doit être humble. Nous savons tous que nous sommes faibles. Peu importe ce que tu fais, il est obligatoire que tu aies des négligences dans tes agissements, car tu es un être humain, tu es faible. Et donc il est impératif, ô chers frères, barakallahu fik, que chacun d'entre nous, nous fassions preuve, donc que nous soyons humbles, et que nous reconnaissions notre faiblesse envers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min awsafihim ayyuhal ikhwa, annahum La acquiescun aquia. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils soient, ils sont soigneux, c'est-à-dire être anni, le fait de ne pas se précipiter et de bien faire les choses, et qu'ils sont forts. Parfois, أحيانا بعض الناس يظنون أن سكوت العلماء عن بعض الأمور ضعف منهم. Parfois, certaines personnes qui ignorent les savants, ils vont penser que le fait qu'ils se taisent sur certaines choses est une faiblesse venant d'eux. Là, إنما هو التأني. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est le fait d'agir soigneusement, de prendre son temps et de ne pas se précipiter. On a vu, on a médité sur la création d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comment il a créé ses créatures. Innama rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours. من فوائد هذه الآية كما ذكره البغوي رحمه الله أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يخلقهن في أقل من لحظة. الله تبارك وتعالى est capable de créer toutes ces créatures, d'avoir de créer les mondes en moins d'une seconde. Il est capable de faire ce qu'il veut. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a créé les cieux et la terre en six jours? Il nous cite les ulama, « Yu'allimu ibadahu at-ta'anni fil umur. » Il enseigne à ses serviteurs le fait d'agir de façon soigneuse, d'agir soigneusement, de prendre son temps et de bien faire. Et certes, vous connaissez le hadith, « Al-ajala min ash-shaytan. » La précipitation vient du diable. وَالتَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ. Et le fait d'agir soigneusement vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il est impératif qu'on comprenne cela. Cela fait partie des caractéristiques de nos ulama. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre aussi en réalité, ô chers frères, Allah, dans le verset qu'on a cité précédemment, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Certes, parmi les serviteurs d'Allah, ce sont les ulama qui le craignent. Ce sont eux qui le craignent réellement. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre une caractéristique importante des ulama. Ce n'est pas que tu aies du ilm. Ce n'est pas que tu pries de longues heures durant la nuit. Mais c'est le khashya, le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala qui va faire que tu vas utiliser cette science dans le bien, qui va faire que tu vas utiliser cette capacité qu'Allah t'a donnée dans le bien et que tu ne vas pas égarer les gens. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sa parole. Inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Ceux qui sont donc craintifs concernant donc la connaissance et la crainte, la peur qu'ils ont d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Du feu, ils ont peur de la punition, ils ont peur de mal faire. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Et ceux qui croient au verset de leur Seigneur. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui n'accordent pas d'associés à leur Seigneur, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِنَّهُمْ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et ceux qui font ce qu'ils ont fait, ils font ce qu'ils ont fait, et leurs cœurs sont craintifs. Leurs cœurs sont craintifs. أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Du fait qu'ils vont retourner vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha, elle a entendu ces versets, elle a dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, concernant la parole d'Allah, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Et donc, ceux qui font ce qu'ils ont fait et leurs cœurs sont craintifs à cause du fait qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Elle dit, Hel, ehu ar-rajul yazni wa yasrik wa yashrab al-khamr. Elle dit, est-ce que c'est l'homme qui fornique, qui vole et qui boit de l'alcool? Ceux qui font ce qu'ils ont fait, ils ont peur parce qu'ils se rappellent qu'ils retourneront vers leur Seigneur. Et donc ils ont fait des péchés. Alors ils ont peur concernant leur situation. Est-ce que c'est ça, ô messager d'Allah? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La yabnata Abi Bakr. » Non, ô fille de Abu Bakr. « Walakinnahu rajul yasoum wa yusalli wa yatasaddaku wa yakhafu an la yukbala minhu. » Il dit, « Non, ô Aïcha, c'est pas ça. C'est celui qui jeûne et qui prie et qui donne en aumône. Et il a peur que tout cela ne soit pas accepté de lui. Il a peur. Ça, c'est une caractéristique des ulema. Et nous tous, en fait, nous devons prendre exemple et avoir cette caractéristique. Le fait d'avoir peur, tu viens, tu pries, mais tu as peur que ta prière ne soit pas acceptée. Alors tu vas tout faire. Tu vas tout faire pour qu'elle soit bien acceptée. Pas le fait de venir commencer Allahu Akbar, ta tête aller à Washington, etc. Aller dans les derniers écrits que tu as vus avant de rentrer dans la mosquée, dans ton téléphone. Ah, dès que je finis, il faut que j'appelle Foulen, faut ci, faut ça. Celui-là, il n'a pas peur que sa salat ne soit pas acceptée. Il n'a pas peur. Pour lui, ça y est, khalas, alhamdoulilah, j'ai prié, waouh. Non, il n'a pas peur. Par contre, lorsque tu es là, tu es concentré, tu fais de ton mieux parce que tu as peur que cette prière ne soit pas acceptée de toi, Yawm al-Qiyama. Et c'est comme ça qu'on doit être. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, qui nous dit, وقال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. Et donc il nous dit, rahimahullah, que Al-Hassan, il a entendu des gens qui débattaient, toujours dans la religion donc, et il a dit, ceux-là, ce sont des gens dont l'adoration, dont ils se sont lassés de l'adoration. Quand tu vois beaucoup de personnes qui débattent, c'est parce qu'ils se sont lassés de l'adoration. C'est difficile de rester dans l'adoration, prier, talab al-ilm, étudier. Et donc, vu que c'est difficile, c'est lourd, on va faire quelque chose de plus facile, on va débattre. Tel sujet, si, ça, c'est plus facile. C'est plus simple. Tu ramènes un petit kahwa en plus. Hein? C'est plus facile. Et donc il nous dit, Hassan, ces gens-là, ils se sont lassés de l'adoration. Et la parole est devenue pour eux légère. On ne craint pas Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce qu'on dit. La parole, elle est devenue légère. Wa kalla wara'uhum fatakallamu. Et donc leur force de foi, elle wara. Qu'est-ce que c'est elle wara? C'est tarkuma qad yadurruka fil akhirah. C'est le fait de délaisser ce qui peut te faire du tort dans l'au-delà. Une force de foi. Et donc leur force de foi, elle a faibli. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont parlé, ils sont rentrés dans le débat. Fa la shakka ayu al ikhwa anna hadha al athar kadhalika fi an-nahy an al-jidal. Il n'y a nul doute, chers frères, que cette parole donc qui est attribuée à Al-Hassan, elle aussi, donc elle montre l'interdiction du débat dans notre religion. Fa inna ha'ula alladhina yatajadalun yaf'aluna dhalika li'annahum wajadu al-waqt. Ces gens qui débattent, en fait, ils le font parce qu'ils ont trouvé le temps de le faire. Ils ont trouvé le temps de le faire. Comment ils ont fait pour trouver le temps de le faire? Ils se sont lassés de l'adoration. Ils se sont lassés de l'adoration. Et ici, ô chers frères, on fait bien attention, ce qui est voulu ici, ce sont les polémiques. et les débats dans le faux. Ce n'est pas le fait de défendre la vérité. Car le fait de défendre la vérité, cela fait partie de l'adoration. Tu obéis à ton Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala qui a ordonné à son prophète وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ et débat avec eux de la meilleure des façons. Il l'a ordonné tabaraka wa ta'ala. Allah qui dit à son prophète فَزْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ alors, dis fermement ce qu'il t'a été ordonné et détourne-toi des polythéistes. وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَدَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى شُبَهِ الْمُشْرِكِينَ Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il a répliqué aux ambiguïtés des polythéistes. Il a répliqué à leurs ambiguïtés. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ils ne viennent à toi avec une parabole. Ici, ce qui est voulu par ces paraboles, ce sont des paraboles pour rejeter la vérité. Et donc, ils viennent à toi avec des ambiguïtés. Ils ne viennent te voir avec des ambiguïtés sans que nous venions avec la vérité et une meilleure explication. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dès que les polythéistes ils viennent avec des ambiguïtés, dans son livre, il a répliqué aux ambiguïtés. Fal mu'min الذي يرد على شبه المشركين وشبه أهل الضلال لم يضيع وقته. Et donc le croyant qui va répliquer aux ambiguïtés des polythéistes, qui va répliquer aux ambiguïtés des gens de l'égarement, il n'aura pas perdu son temps. هذه عبادة. C'est un acte d'adoration. Mais le sujet d'aujourd'hui, ce sont les polémiques, les débats qui ne servent à rien. Le fait de rentrer dans des débats inutile et le fait de débattre dans le faux pour défendre le faux, voilà ce qui est voulu ici. Il faut bien faire attention à ça, oh cher frère. Ensuite, le dernier FR qu'on voit aujourd'hui, ou le dernier hadith, l'auteur qui nous dit rahimahullah wa an abi umamata radiyallahu anhu marfu'an. Le hadith numéro 133 selon Abi Umama, parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. El haya'u wal'iyu shu'batani min al-iman. Wal badha'u wal bayanu shu'batani min al-nifaq. Rawahu al-Tirmidhi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la pudeur ainsi que la sagesse dans la parole. El'i. C'est le fait de faire attention à ne pas dire n'importe quoi. Le fait de faire attention à donc prendre son temps pour parler et ne pas dire n'importe quoi. La pudeur et la sagesse dans la parole sont... Et certains nous disent, Al-i, c'est le fait de peu parler. Et donc la sagesse dans la parole. La pudeur et la sagesse dans la parole, ce sont deux caractéristiques de la foi. Et donc la grossièreté et l'éloquence sont deux caractéristiques de l'hypocrisie, al-nifaq. Deux caractéristiques de l'hypocrisie. Rapporté par At-Tirmidhi. Les savants ils nous disent que ce hadith il est authentique, la première partie. La première partie, c'est-à-dire donc la pudeur et la sagesse dans la parole sont deux caractéristiques de la foi. Le reste, c'est un rajout qui est faible. C'est un rajout qui est faible. La première partie du hadith est authentique. Et donc ici, au cher frère, on voit l'importance de la pudeur. Et on a vu précédemment la pudeur, ce caractère qui va te pousser à délaisser tout péché, qui va te pousser à délaisser tout ce qui est blâmable. Nous devons tous faire preuve de pudeur. Et ça, c'est important. Le fait de faire attention à ce que tu dis et de ne pas te laisser emporter par la précipitation, la colère ou autre, ce n'est pas une faiblesse. Le fait que tu fasses preuve de pudeur, ce n'est pas une faiblesse. Le fait que tu ne répondes pas à celui qui t'insulte, ce n'est pas une faiblesse. Il a été rapporté d'un ulama parmi les salafs que quelqu'un l'a insulté. Quelqu'un l'a insulté. Alors, on lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Il a dit, فَلِمَا تَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ إِذَنْ. Pourquoi est-ce qu'on a étudié la science alors? Pourquoi avons-nous étudié la science si c'est pour que dès qu'une personne nous insulte, on répond? Normalement, la science que tu as appris, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala que tu as, fait que tu n'accordes pas d'importance à ce genre d'agissement. Et donc c'est important, chers frères, que nous aussi, nous fassions attention à cela et qu'on suive ces caractéristiques louables, les caractéristiques de nos savants. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de purifier nos cœurs et nos actes. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On continue demain, inshallah ta'ala, wa jazakumullahu khairan.